Tu ne sais rien de moi, et que sais-je moi-même de moi? Tu ne sais rien de moi, je ne sais rien de toi. L'infini se révulse en tes prunelles claires. Rien n'abolit en nous de l'âme les mystères. Tu meurs de vivre en moi tes rêves de la terre. Me brise ma douleur d'aimer comme du verre. Et dans nos deux regards, le soleil meurt de froid.